tes mains qui suent me poussent plus loin, loin de toi et loin de notre passé, avec l'âme en peine. Tu m'en regardes troublé, mais pas sans un moment de regret. C'est déjà dit, mais nos corps ne cessent pas de parler. Alors laisse-moi sentir ce que c'est que l'adieu, en offrant ton dernier respire. Danse avec moi ce dernier tango, laissez-moi entrer dans ta peau. Même si tout sera perdu, malgré quand l'aura prévu, alors moi je m'en vais. Au sommet, sans rêver. Dernier tango, laissez-moi entrer dans ta peau. Même si tout sera perdu, malgré quand l'aura prévu, alors moi je me rendrai au sommet sans rêver. Sans destin, oh tes mains qui me poussent.